sera très bon pour nous. Votre mère est là? Non, pas vraiment. Mais il y a passé plusieurs années quand elle était enfant. Mon grand-père, le père de ma mère, était juge. Son premier poste a été La Rochelle. C'est pendant que mes grands-parents étaient à La Rochelle que ma mère est née. Puis mon grand-père est passé au tribunal de Bayonne quand ma mère avait 4 ou 5 ans. Ils sont restés 6 ou 7 ans à Bayonne, je crois. C'est pendant qu'ils étaient à Bayonne que ma mère a rencontré cette madame Courtois. Ah, en effet, elle est née au Pays Basque. Ses parents étaient commerçants. Ils avaient un magasin de tissus en face de la cathédrale. Et vos grands-parents, où sont-ils maintenant? Mon grand-père, le père de ma mère, était juge. Mon grand-père était juge. Mon grand-père, le père de ma mère, était juge. Quel était le métier du grand-père de Robert? Il était juge. Ses parents étaient commerçants. Ses parents étaient commerçants. Ils avaient un magasin de tissus en face de la cathédrale. Ils avaient un magasin de tissus. En face de la cathédrale. Ils avaient un magasin de tissus en face de la cathédrale. Que faisaient les parents de Madame Courtois? Ils étaient commerçants. Où était leur magasin à Bayonne? En face de la cathédrale. Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts quand j'avais 9 ou 10 ans. Mais dites-moi, je pensais... Je vais aller chez les Courtois demain. Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain, par hasard, puisque Madame Courtois est votre marraine. Non, demain, je ne peux pas aller à ça. Voir la cathédrale? Je veux aller la voir aussi, un jour. Non, la cathédrale, je la connais, vous pensez? J'ai visité au moins 5 ou 6 fois avec mes parents, et autant de fois avec l'école. Demain, je dois aller voir une exposition dans un petit musée, qui se trouve juste à côté. Est-ce que vous voudriez bien me permettre de... De m'accompagner? Oh, mais vous pouvez si vous voulez. Mais vous oubliez que demain vous allez chez les Courtois. Bon, je peux y aller un autre jour, après-demain par exemple. Ils sont morts tous les deux. Ils sont morts. Ils sont morts tous les deux. Est-ce que les grands-parents de Robert vivent toujours? Non, ils sont morts. Mais dites-moi, je pensais, je vais aller chez les Courtois demain. Je vais aller chez les Courtois. Je vais aller chez les Courtois demain. Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain, par hasard? Vous n'avez pas envie d'aller les voir? Vous n'avez pas envie d'aller les voir? Par hasard? Vous n'avez pas envie d'aller les voir demain, par hasard? Ah non, non, non, non, demain je ne peux pas. Non, demain je ne peux pas. Je dois aller à Chartres. Je dois aller à Chartres. Pourquoi Pourquoi Mireille ne peut-elle pas aller chez les Courtois le lendemain? Parce qu'elle doit aller à Chartres. Ah, voir la cathédrale! Voir la cathédrale! Oh, je veux aller la voir aussi un jour. Je veux aller la voir. Je veux aller la voir aussi. Je veux aller la voir aussi un jour. Pourquoi Robert veut-il aller à Chartres? Pour voir la cathédrale. Non, la cathédrale, je la connais. Je la connais. Je l'ai visitée au moins 5 ou 6 fois. Je l'ai visitée au moins 5 ou 6 fois. Au moins 5 ou 6 fois. Je l'ai visitée au moins 5 ou 6 fois. Avec mes parents et autant de fois avec l'école. Je l'ai visité au moins 5 ou 6 fois avec mes parents. Et autant de fois avec l'école. Demain, je dois aller voir une exposition dans un petit musée qui se trouve juste à côté. Je dois aller voir une exposition. Dans un petit musée. Un petit musée qui se trouve juste à côté. Un petit musée qui se trouve juste à côté. Est-ce que Mireille y va pour voir la cathédrale? Non, elle va voir une exposition dans un petit musée qui se trouve juste à côté de la cathédrale. Mais vous oubliez que demain vous allez chez les Courtois. Vous oubliez? Vous oubliez que vous allez chez les Courtois. Vous oubliez que vous allez chez les Courtois. Vous oubliez que demain vous allez chez les Courtois. Oh, je peux y aller un autre jour, après-demain par exemple. Je peux y aller un autre jour. Je peux y aller un autre jour. Après-demain, par exemple. Après-demain, par exemple. Si Robert ne va pas chez les Courtois demain, quand est-ce qu'il peut y aller? Un autre jour. Après-demain, par exemple.